Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz pour une dernière émission en direct en ce lundi avant la grande coupure estivale. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission en direct puisque je suivais les étapes du Tour de France du côté du Sud-Ouest et aussi le festival Jazz à Luz au passage. Vous avez pu retrouver une émission qui datait de 2010 autour du groupe américain Smegma, émission qui est à réécouter sur le blog de l'émission, également asile35.blogspot.fr ou sur le mixcloud/renman. Évidemment un blog que vous pouvez suivre un peu partout dans le monde et non pas qu'à Rennes. Voilà, on va attaquer avec une dernière sélection de nouveautés de la saison, des nouveautés très très fraîche, à l'image de ce retour gagnant du groupe américain Chrome qui vient tout juste de faire paraître un tout nouvel album, un double LP sous le titre Feel It Like a Scientist, qui est vraiment brillantissime. Donc le retour de la formation de monsieur Helios Creed, qui est bien évidemment orpheline depuis la disparition de son autre co-leader Damon Hedge, qui était décédé il y a une vingtaine d'années, mais qui continue toujours vaille que vaille et malgré les années à produire une musique particulièrement intéressante, toujours plutôt dans le registre cyberpunk, une sorte de garage rockabilly sursaturé et très très influencé par la science-fiction et une certaine idée du rock du côté des machines. Chrome était déjà revenu il y a de ça quelques mois avec une très très belle anthologie de titres qui s'intitulait Half Machine from the Sun, The Lost Chrome Tracks from 79-80, donc qui retraçait un peu l'époque de la fin des années 70 de ce groupe de San Francisco, qui était une très très belle entrée en matière pour les jeunes générations qui découvrent aujourd'hui le son de Chrome. Et cet album est aussi très très bon, donc comme je vous disais, donc avec une bonne flopée de titres assez survitaminés. On va en découvrir deux pour démarrer l'émission de cette semaine, et on attaque avec un titre assez hilarant sous le nom de Brady's Chicken Boy. We'll be right back. On a démarré l'asile de cette semaine avec deux retours en force et en retour gagnant, non pas un mais deux retours gagnants. Tout d'abord Chrome et leur excellent double album qui vient tout juste de paraître sur King of Spades sous le titre Feel It Like a Scientist. Donc le retour de leur version Stooges industrielle sursaturée de la formation de monsieur Helios Creed, toujours au top niveau, donc avec une bonne petite vingtaine de morceaux très très réussis. Ça s'écoute vraiment du début à la fin sans décrocher ce très bel album de Chrome dont on vous a proposé deux extraits à suivre, Brady the Chicken Boy et Lipstick. Difficile de choisir des morceaux, ils sont tous à peu près du même tonneau et ça fait beaucoup penser au Chrome des débuts, donc une sorte de tambouille un peu industrielle, un peu futuriste et avec beaucoup de saturation. Et c'était enchaîné avec un autre retour assez inespéré lui aussi, celui de la formation de Mikops, le londonien et son groupe Officer avec un point d'exclamation qui est revenu cette année avec un double album sous le titre Dead Unique sur le label Blackest Ever Black, un opus de pièces inédites et jamais publiées jusqu'à il y a de ça quelques mois, de ce combo à géométrie variable mené par ce musicien assez singulier et assez excentrique anglais à partir de la fin des années 70, début des années 80, et dans lequel on comptait pas mal de participants des projets de rock de traverse de l'époque, un peu tout le consortium Enrico, Art Bears, ZZ Top a défilé dans cette formation Officer, et donc des pièces qui ont été enregistrées à l'époque, je crois que c'était de mémoire il y a de ça une quinzaine d'années, et qui n'avaient pas vu le jour, même une vingtaine d'années, donc en 95, et grâce donc à ce label britannique qui n'est pas tellement coutumier de produire ce genre de musique, on a pu donc avoir une nouvelle trace discographique de ce projet qui a sorti assez peu de choses au final. On se souvient principalement d'un album sous le titre Ossification qui était sorti en 1984, ça ne nous rajeunit pas. Et Officer est de retour aussi en concert, il y aura sans doute une série de concerts qui sera donnée dans quelques mois par cette formation de Bicops. Et le label Blackest Ever Black s'est aussi fendu d'ailleurs d'une anthologie en fait de titres sur 20-25 ans que vous pouvez écouter en ligne sur leur blog ou leur Bandcamp, donc de Blackest Ever Black, une petite vingtaine de morceaux pour se faire un peu une idée de cette formation Officer. Et je crois qu'il y a aussi un 45 tours qui doit paraître cet été, mais j'ai pas vérifié mes informations, donc on en reparlera certainement à la rentrée. On va continuer avec une jeune formation là encore londonienne sous le nom de The God in Hackney, qui fait paraître ces jours-ci son tout premier album sous le titre Cave Modern. C'est sorti sur le label Junior Asprin Records au début du mois de juillet, et le pitch de l'album du dossier de presse nous dit que ce sont des musiciens qui appartiennent à pas mal de formations telles que Charlotteville, Imitation Electric Piano, Advanced Sportswear et autres Socrates That Practices Music, et qu'il s'agit en fait de musique néolithique ou encore préhistorique, avec un mélange de chants, de batteries, de guitare, de synthé et autres conques et instruments préhistoriques. Alors j'ai eu la puce à l'oreille autour de cette formation grâce à la compilation du magazine anglais The Wire du mois d'août, qui est tout juste dans les kiosques, The Wire Taper Number 35, qui accompagne donc la sortie de la revue britannique bien connue, sur lequel donc on retrouve cette formation The God in Hackney, ainsi que pas mal de choses qui sont sorties ces derniers temps assez intéressant. En tout cas, je vous conseille dans la lecture du magazine anglais The Wire du mois d'août, peut-être à amener avec vous sur les plages. On y retrouve notamment un dossier autour de Mademoiselle Saint-Vincent ou encore de Lee Gamble ou de Bernie Crozet. Voilà, on va écouter donc un extrait, celui qui se trouve sur la compilation du magazine The Wire, le Wire Taper 35, de cette formation The God in Hackney. Je crois qu'on peut entendre l'intégralité de ce disque d'ailleurs sur leur Bandcamp. On démarre donc avec le titre Holt Jarmara. are. Halt Jamara, fat spaniel Lewis like a polecat and vinegar Tom. Yeah. l'instant dans l'Asie le plus sûr, on a écouté une séquence avec des musiciens britanniques assez singuliers. Tout d'abord The God in Hackney et leur premier opus à ce jour qui vient tout juste de sortir sous le titre Cave Modern. Un drôle de disque donc par des Britanniques totalement inconnus au bataillon, en tout cas en ce qui me concerne, qui nous refont un peu le coup des groupes préhistoriques façon les Gods. Voilà, on fait de la musique néolithique et on est très content. En tout cas, c'est un album plutôt intéressant d'une jeune formation assez prometteuse. Il est écoutable d'ailleurs en intégralité sur leur Bandcamp. Si vous voulez faire une idée, ça doit être The God in Hackney.bandcamp.com ou quelque chose comme ça. Tout n'est pas du niveau du titre qu'on entendait qui figure sur la compilation qui accompagne la livraison du magazine The Wire du mois d'août, mais c'est plutôt assez intéressant cette formation, The God in Hackney, qui était enchaîné avec un autre projet d'un Britannique que je découvre avec ce disque. Il s'agit de Connect E-Cut avec un underscore tiret du 8, comme on dit, formation de musique électronique qui existe apparemment depuis une petite dizaine d'années, qui est encensée par quantité de gens, tout autant Thurston Moore, Byron Collet, que les gens un peu des scènes électroniques avec lesquels il se produit assez fréquemment, ce Britannique qui répond au nom de Samuel Mac Clean, mais qui est basé à Vancouver au Canada depuis un petit paquet d'années et qui vient tout juste de sortir ce disque Small Town by the Sea sur l'excellent label Ahagoo Records. Alors je sais pas trop quoi en penser de cet album. La musique est assez rythmée, assez dansante. Apparemment ce serait la forme musicale la plus accessible à ce jour de ce que peut produire Connect E-Cut. J'écouterai les productions précédentes, bien évidemment. Il y en a eu 5-6 à ce jour. Une musique qu'on nous décrit plutôt comme une sorte de mélange entre ce que peut produire Christian Fenech ou encore Mark McGuire et son projet Emeralds. Donc une musique plutôt électronique contemporaine assez haut niveau. En tout cas, je vous conseille donc l'écoute de ce Small Town by the Sea par Connect E-Cut. On continue avec mon chouchou. Si vous êtes des réguliers de l'Asie de le plus sûr, vous savez que j'ai un amour immodéré pour monsieur Gedalia Tazartes, qui doit avoir pas loin de 65 ans au compteur, qui a commencé dans les années 70 à produire des bandes sonores de musique et de folklore imaginaire assez incroyable, entre électroacoustique, musique industrielle et musique ethnique revisitée. Et il est de retour en ce début d'été avec un très bel album, toujours en solitaire, sous le titre LA, qui apparemment est un disque qui regroupe des performances live. Enfin, en tout cas, j'en ai l'impression, puisque la face A s'intitule Oslo Solo et la face B LA. On y retrouve quand même quelques voix et participants comme à son habitude, notamment son jeune fils Lalo, qui signe la très belle pochette de ce disque 33 tours publié par le label norvégien, le jeune label norvégien D-But. Interambiance. Et on retrouve aussi un vieil ami de Tazartes qu'on n'avait pas entendu avec lui depuis au moins Diaspora, monsieur Alain Rigou, qui figure sur la face LA, dont on va écouter un large extrait ce soir. Donc on écoute la musique de Gedalia Tazartes. Thank you. Le printemps n'a point tant de fleurs, l'autre tant de raisonneurs. L'été tant de chaleur, l'hiver tant de bois de gelée. Ni la mer tant de poissons, ni la bourse tant de moissons, ni la Bretagne tant d'arrêts. L'amour du bec et des ailes. Et nous, sous nombre d'honneur, le bonheur trahissons par une crainte. Les oiseaux sont plus heureux, amoureux, qui font l'amour en contrainte. Toutefois, ne perdons pas nos ébats pour ces lois tant rigoureuses. Mais ce que l'on croit, vivons et suivons les colombes amoureuses. Pour effacer mon émoi, baise-moi, baise-moi ma tièce. Ne laissons passer en vain si soudain les ans de notre jeunesse. Collage sonore particulièrement réussi de l'immense Gedalia Tazartes qui nous fait revenir un peu 30 ou 40 ans en arrière à l'époque où il produisait les incroyables Diaspora ou encore Transport. Et Gedalia Tazartes donc en très très grande forme sur ce nouvel album sous le nom LA avec un point. Où on retrouve sa voix de muezzine déglinguée, très très incroyable. Il a retrouvé une grande partie de sa tessiture. Ces dernières années, on disait souvent que Tazartes n'arrivait plus à chanter comme à la fin des années 70. Mais à l'écoute de ce nouvel album paru en 33 tours sur le label Debut Interference, on le retrouve vraiment au mieux de sa forme et de ses cordes vocales avec toujours ce folklore assez psychédélique et ses histoires à dormir dehors. Voilà donc Gedalia Tazartes et cet album LA qui fait suite à un album qu'il avait sorti il y a quelques mois en compagnie du groupe expérimental Gol. Il alterne assez régulièrement les collaborations et les albums solo depuis une bonne dizaine d'années, et aussi depuis qu'il est en retraite. Voilà, donc on va continuer avec un autre musicien un peu de sa génération, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Il s'appelle Arnold Dreblatt, et un disque qu'on vous a déjà proposé dans cette même émission sous le titre Choice, qui est un florilège de morceaux qui s'échelonne sur une période de 25 ans à partir de la fin des années 70, où on retrouve un peu toute la quintessence de ce musicien minimaliste répétitif, assez peu connu du grand public, contrairement par exemple à Riz Chatham ou encore Glenn Branca, et qui se produit principalement avec des orchestres de cordes, guitare, vielle à roue, cymbalum, et parfois aussi un peu d'orgue. Cette formation avec laquelle il se produit depuis une bonne quarantaine d'années, qui est une formation à géométrie variable, avec des musiciens qui se succèdent selon les époques, s'appelle l'Orchestra of Excited Strings. Et je propose d'écouter un morceau qui se retrouve donc sur cette anthologie vinylique publiée par le musicien allemand Jörg Hiller sur son étiquette Choose Records, sous le titre donc Choice, avec un titre de mai 1981 enregistré au club new-yorkais The Roulette, un club dans lequel se produisait, je pense aussi très régulièrement, Glenn Branca, Rich Chatham et sans doute aussi les Sonic Youth à leur début. On écoute le titre de Arnold Dreblatt, Harp Tones. Une petite triplette de titres enchaînés dans l'asile le plus sûr qui a démarré avec l'orchestre des cordes excitées de Arnold Dreblatt et un titre de 1981 en concert At the Roulette qui était enchaîné, qui figurait d'ailleurs sur une anthologie sous le nom de Choice, publiée il y a de ça quelques mois et qui est une très très belle entrée en matière autour de la musique de ce compositeur qui était enchaîné avec le Phantom Orchestre Ensemble, Phantom Orchestre Ensemble et son disque Row Through the Looking Glass sorti sur le label Tzadik. Phantom Orchard qui était un projet initialement en duo entre l'électronicienne Ikue Mori et la harpiste Zina Parkins. Ils ont déjà sorti ensemble quelques disques sous ce nom. On se souvient notamment du premier qui était sorti aux éditions Mego, si je me souviens bien. Et celui-ci donc est en grande formation avec notamment des cordes, les frangines de Madame Parkins notamment au violon et au violoncelle. Il y a aussi Sylvie Courvoisier au piano, même si on ne l'entendait pas beaucoup sur le titre qu'on a entendu qui démarre cet opus, de même que la chanteuse norvégienne Maja Rajke qui se retrouve sur la plupart des pièces pour des compositions finalement assez orniennes, on pourrait dire, sur les bords pour cette mouture du Phantom Orchard Ensemble qui se retrouvait donc au milieu de cette séquence qui s'est conclue avec la musique de Cathy English, une flûtiste britannique, flûtiste électronicienne et qui joue aussi du dulcimer de sa composition et qui se produit depuis une bonne dizaine d'années avec son projet Isnage Dui, avec lequel elle a enregistré une bonne palanquée de disques, notamment sur les labels Home Normal, Hibernate ou encore F-Box Records. Celui-ci s'intitulait Euplexia et est sorti sur Rural Colors et était assez symptomatique de la musique que produit Isnage Dui, à savoir une sorte de musique entre ambiante et néoclassicisme avec pas mal de trémolo de flûte dans les limbes. Voilà, on va continuer avec le Pharoah and the Underground, qui est la rencontre entre Pharoah Sanders et l'orchestre de Rob Mazurek, le trompettiste américain qui vit ou a vécu, je ne sais pas s'il est revenu au final du Brésil, Rob Mazurek et son Underground Ensemble, à savoir ses collègues batteurs Chad Taylor ainsi que ses camarades du Sao Paulo Underground, Guillermo Granado et Mauricio Tarcara, et également le bassiste Matt Lux, donc des musiciens qui ont collaboré dans la plupart des projets de Rob Mazurek et qui retrouvent donc le saxophoniste vétéran du free jazz Pharoah Sanders pour ce disque qui vient tout juste de voir le jour sur le label portugais Clean Feed, et c'est plutôt une chance de retrouver Pharoah Sanders qu'on n'a pas entendu depuis un bon paquet d'années, presque depuis ses disques de la fin des années 60 ou ses collaborations aux orchestres de John Coltrane. Il est plus coutumier de jouer en sideman, notamment ces dernières années aux côtés de Kenny Garrett ou encore de David Murray dans leurs différents projets. Et donc enfin une occasion d'entendre le son du ténor de Pharoah Sanders qui n'a rien perdu de sa superbe, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte avec un extrait de ce disque enregistré en concert au fameux festival Jazz M Lisbao, le fameux festival portugais du mois d'août, organisé notamment grâce à la fondation Kubalkan. Et donc ça avait été enregistré, je crois, en août de l'année dernière, ce festival donc, qui aura lieu cette année, je crois, entre le 5 et le 8 août. On écoute ce disque éponyme, le Pharwa and the Underground, avec cet excellent titre « Blue Sparks from Her ». Thank you. Spiritual Mercury, la rencontre entre les cuivres du trompettiste Rob Mazurek et le saxophone de Pharoah Sanders. C'est ce disque Pharoah and the Underground, tout juste paru sur le brillantissime label de Lisbonne, Clean Feed, en CD. Donc un enregistrement en concert de cette formation All Stars qui se produit principalement dans les festivals et que vous pouvez aussi vous procurer désormais sur disque. Donc Pharoah and the Underground, qui marque quasiment la fin de la saison 2013-2014 de l'Asile le plus sûr. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que votre serviteur a écouté les musiques de l'Asile et du monde entier des musiques de Traverse. Vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble des playlists et des podcasts ou des émissions en streaming sur le blog asile35.blogspot.fr ou encore sur le mixcloud.com/redman, avec l'intégralité des playlists depuis la fin août 2013. Et les émissions sont aussi entièrement podcastables et écoutables en streaming. Et donc vous pouvez écouter ça en vacances, en famille, avec votre amis, voilà. Ou au casque, sous la couette. Voilà, donc fin des émissions de cette saison, avec 4 émissions spéciales à venir avant la reprise prévue pour le 25 août. Et on démarrera avec une spéciale Robert Wyatt à l'occasion des 40 ans de l'album Rock Bottom, qui avait été publié à l'été 1974. Donc c'était une occasion assez rêvée de vous proposer une spéciale autour de Rock Bottom et de Robert Wyatt autour des années 70 principalement, et de cette esprit qui animait Rock Bottom, voilà, et puis quelques autres spéciales. Vous découvrirez ça au fur et à mesure des semaines ou encore sur internet, sur le blog de l'émission. On se quitte avec un tout dernier disque qui n'est même pas encore paru, que nous devons à l'électronicien d'origine australienne Lawrence English, qui se fend d'un tout nouvel opus sous le titre Wilderness of Mirrors sur le label Room 40, qui est un disque concept autour du miroir et du miroir aux alouettes et des apparences, de la distorsion électronique de type Earth, My Bloody Valentine ou encore The Swans, à qui ce disque rend hommage, et aussi de la désinformation de la guerre froide. Donc un package assez incroyable, ce disque Wilderness of Mirrors, qui est aussi centré autour d'un poème de T.S. Eliot. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce Wilderness of Mirrors par Lawrence English, avec ce titre qui fera une très belle conclusion et un point d'orgue idéal pour la saison 2013-2014. Je vous souhaite une excellente nuit et une très très bonne semaine, ainsi qu'un très bel été. On se retrouve en direct autour du 25 août et également donc sur internet, peut-être sur le blog de l'émission. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis donc à très bientôt.